depuis l'année qui m'a scellé, maintenant voyager. Et nous qui fait le tour du monde et salit nos yeux de la Joconde. Ni soleil et puis la lune qui m'en scellé, mène en navigué. Cap sur les îles, les continents, traverser tous les océans. Mène m'aller en d'autres côtés. Moi c'est mène ou aller loin. Bache à dans chanson moi. Naviguer, voyager loin. Bâtir à bâti, mélodie, moi. Moi, c'est même ou aller loin. Bâtir à dans chanson, moi. Naviguer, voyager loin. Bâtir à dans mélodie, moi. Il y a tant de temps, trois temps qui m'ont scellé, maintenant respirer. Quand il ben à Tahiti, va y ne mon nom et ben de minuit. Il y a des lunes que j'aimerais t'amener aux Amériques. Où malgré les conquistadors, il y reste encore quelques trésors. Mène m'aller, voyage, voyage. Moi c'est même ou aller loin. Naviguer, voyager loin. Moi qui mène ou à la Guyane, nous qui confisons la cour. Moi qui mène ou à la Guadeloupe, pour nous et qui j'en sais nous l'ayer. Mène m'aller, mène m'aller. Nous qui descend en Haïti, pour nous pécouter qu'on pas marché. Quitter le marché, quitter le rouler. Fait en escale en Jamaïque, pour nous pécouter reggae tombé. Mène au Puerto Rico pour nous goûter salsa y warengo. Mène malé. Cha cha cha. Oh, depuis le mois tout petit, monte les connaître la vie. Mène malé. Mène malé. Mène malé. Mène malé en la Guyane pour nous décoller dans sa cour aussi. Mène malé. Mon contento. Mène malé. Pour nous goûter